Fabrice Lucchini lit Gustave Flaubert. Quant à ce qui d'ordinaire touche les hommes de plus près et qui pour moi est secondaire en fait d'amour physique, je l'ai toujours séparé de l'autre. Je t'ai vu railler cela l'autre jour à propos de J.J. C'était mon histoire. Tu es bien la seule femme que j'ai aimée et que j'ai eue. Jusqu'alors, j'allais calmer sur d'autres les désirs donnés par d'autres. Tu m'as fait mentir à mon système, à mon cœur, à ma nature peut-être, qui est incomplète d'elle-même, cherche toujours l'incomplet. J'en ai aimé une depuis 14 ans jusqu'à 20 ans sans le lui dire, sans lui toucher. Et j'ai été près de 3 ans ensuite sans sentir mon sexe. J'ai cru un moment que je mourrais ainsi. J'en remerciais le ciel. Je voudrais n'avoir ni corps, ni cœur. Ou plutôt, je voudrais être crevé, car la mine que je fais ici-bas est d'un ridicule exagéré. C'est là ce qui me rend défiant et timide de moi-même. Tu es la seule à qui j'ai osé vouloir plaire et peut-être la seule à qui j'ai plu. Merci, merci, mais me comprendras-tu jusqu'au bout? Supporteras-tu le poids de mon ennui, mes manies, mes caprices, mes abattements et mes retours emportés? Tu me dis, par exemple, de t'écrire tous les jours. Et si je ne le fais, tu vas m'accuser. Eh bien, l'idée que tu veux une lettre chaque matin m'empêchera de la faire. Laisse-moi t'aimer à ma guise, à la mode de mon être, avec ce que tu appelles mon originalité. Ne me force à rien. Je ferai tout. Comprends-moi et ne m'accuse pas. Si je te jugeais légère et niaise comme les autres femmes, je te payerais de mots, de promesses, de serments. Qu'est-ce que cela me coûterait? Mais j'aime mieux rester en dessous qu'au-dessus de la vérité de mon cœur. Les Numides, dit Hérodote, ont une coutume étrange. On leur brûle tout petit la peau du crâne avec des charbons pour qu'ils soient ensuite moins sensibles à l'action du soleil qui est dévorante dans leur pays. Aussi sont-ils de tous les peuples de la terre ceux qui se portent le mieux. Songe que j'ai été élevé à la Numide. N'avait-on pas beau jeu à leur dire « Vous ne sentez rien, le soleil même ne vous chauffe pas ». Oh, n'aie pas peur, pour avoir du caille au cœur, il n'est pas moins bon. Eh ben non, en me sondant, je ne me trouve pas meilleur que mon voisin. J'ai seulement assez de perspicacité et quelques délicatesses dans les manières. Voilà le soir qui vient, j'ai passé mon après-midi à t'écrire. À 18 ans, à mon retour du midi, j'ai écrit pendant 6 mois des lettres pareilles à une femme que je n'aimais pas. C'était pour me forcer à l'aimer, pour faire du style sérieux. Et ici, c'est tout le contraire. Le parallélisme est accompli. Encore un dernier mot. J'ai à Paris un homme à mes ordres, dévoué jusqu'à la mort, actif, brave, intelligent, une grande et héroïque nature aux volontés de la mienne. En cas de besoin, compte sur lui comme sur moi. J'attends demain tes vers, dans quelques jours tes 2 volumes. Adieu, pense à moi, oui. Embrasse ton bras. Tous les soirs, ce sont tes œuvres que je lis. J'y recherche des traces de toi-même. J'en trouve quelquefois. Adieu, adieu. Je mets ma tête sur tes seins. Puis je te regarde de bas en haut comme une madone. 11 heures du soir. Adieu, je ferme ma lettre. C'est l'heure où, seul et pendant que tout dort, je tire le tiroir où sont mes trésors. Je contemple tes pantoufles, le mouchoir, tes cheveux, le portrait. Je relis tes lettres. J'en respire l'odeur musquée. Si tu savais ce que je sens maintenant, dans la nuit mon cœur se dilate et une rosée d'amour le pénètre. 1000 baisers, 1000, partout, partout, partout. Fabrice Lucchini lisait Gustave Flaubert.